Sais-tu qui je suis, qui je suis? Je suis pas du tout. cœur pleure sur le petit enfant. On prend un enfant et puis on en fait un monstre. Ça n'empêche qu'une fois adulte, il est irrécupérable. Il bousille les familles pour réaliser un fantasme. En tant qu'adulte, il faut débarrasser la planète de cette ordure. Tu t'indignes de la contradiction, Chuck ? Est-ce que cette théorie menace ton confort moral ?